Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kerbrand avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, 4 expériences de retour à la nature. Une série documentaire de Marie Chartron, réalisée par François Test. Au départ de cette série, il y a une furieuse envie de marcher dans les bois, d'arpenter les collines, de longer les chemins et d'entendre les feuilles craquer sous nos pas. Il y a aussi ce vœu, toujours reporté, de changer sa vie, de vivre mieux et de tout recommencer à zéro. De ces envies qui nous taraudent un dimanche soir d'été quand l'herbe est douce et qu'on entend chanter les grillons. De ces envies qu'on repousse à plus tard, de nouveau à l'abri, de retour dans sa bonne vieille ville surpeuplée, polluée, mais tellement familière. Mais peut-être aussi qu'il y a des rages contenues, un désir de faire enfin comme on veut et de ne plus se laisser faire. Alors pour commencer, les personnages. Des cordonniers, des tailleurs, une Russe d'Ukraine, des enfants libres, un père communard, des fondateurs, une femme à la cuisine, des Nantais et des anarchistes, dont un autoritaire. Ensuite, le décor. Un chien, la révolution de soi-même, l'Aisne, les Ardennes, l'œil de la préfecture, un rêve de liberté et d'égalité, de l'ascétisme, le végétarisme, un ragoût de racines, une marche à pied et une rivière. Aujourd'hui, 3e épisode, on pousse la porte. Tout ce que nous avons fait ici l'a été sans qu'un ordre soit donné. Nous vivons sans Dieu, sans patrie, sans maître, libres, avec la sensation de vivre ce que nous souhaiterions avoir vécu. Membres de sociétés financières, partisans du principe de liberté absolue, me reconnaissant suffisamment développé pour, dans une société libre, ne jamais me livrer à la violence sur aucun de mes co-associés, reconnaissant qu'il n'est point besoin d'une force quelconque pour imposer le travail aux individus, que libres, ils l'exécuteront d'eux-mêmes pour une foule de raisons qu'il n'est pas besoin d'énumérer, je demande à faire partie de la société de communisme libre. Les clairières libertaires. Une vie communautaire d'anarchistes en 1900. Marie Chartron, François Test. On ne travaille pas par force, mais par raison. Pas pour soi, mais pour tous. Pour les camarades qui nous entourent et, sur un plan général, pour l'humanité. Hans Stenner, au début du XXe siècle, il y a plusieurs expériences de communautés anarchistes, qu'on appelle alors colonies anarchistes, et de milieux libres, dans les milieux anarchistes individualistes. Alors, qu'est-ce que c'est que cet anarchisme individualiste et dans quel contexte émerge-t-il ? Alors, l'anarchisme individualiste émerge, je dirais, à la fin vraiment du 19e siècle, mais il devient un courant quand même assez large et visible, surtout dans les toutes premières années du 20e siècle. Et le principe de l'anarchisme individualiste, c'est que la révolution doit commencer déjà par soi-même. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre d'un grand soir hypothétique que tout à coup tout change si les individus n'ont pas déjà changé eux-mêmes et mené la lutte contre l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, c'est les préjugés, c'est le vieux monde en nous. Et en fait, ils ont comme credo que tout est politique. C'est les premiers, je pense, à avoir affirmer ça, que tout le plus minuscule de nos gestes avait une portée politique et qu'en tout, on doit se comporter en anarchiste, c'est-à-dire en individu refusant et l'exploitation et la domination et l'autoritarisme. Qu'il y avait à Bascon. Est-ce que vous savez des choses ? Ou pas. Oh, bah, pas grand-chose. C'était pas un appartement maintenant, mais à Bascon, il n'y avait rien du tout. Hein, ils étaient tranquilles. Il y avait juste la ferme qui était là au-dessus. Et puis quelques maisons, mais qui n'étaient pas trop habitées. Hein. Donc ils étaient tranquilles. Ils venaient de Paris. On appelait ça le milieu libre parce que j'étais libre. Ils mangeaient ce qu'ils trouvaient dans la nature. Et puis, ben voilà, c'est tout. Hein. Bon, ben nous, on n'y allait pas parce qu'on avait interdiction d'y aller, n'est-ce pas? On avait peur un peu, parce qu'on c'était spécial, quoi. Je vais vous expliquer où c'est qu'elle est, la maison. Qui est l'endroit. Partir pour montrer qu'une autre vie est possible. Trouver un ailleurs dans un hameau, un bois, une clairière, loin de l'écrasement urbain et des carcans de la société pour vivre hors du salariat, en camarade. Dans les années 1890, des Italiens avaient déjà ouvert la voie au Brésil en fondant la Cecilia. Et au XXe siècle naissant, quelques hommes et femmes poursuivent l'expérience en France. L'histoire discrète de ces colonies libertaires serait sans doute restée muette si quelques historiens de l'anarchisme et du mouvement ouvrier n'avaient buté dessus et redonné un nom au visage que l'on aperçoit sur les rares photos qui nous sont parvenues. Ces vies particulières à la Belle Époque seront voilées par la Première Guerre mondiale et par la Révolution russe de 1917, qui par ricochet rebattra souvent les cartes de ces milieux anarchistes. Leurs traces nous conduisent à Vaux, dans l'Aisne, et à Aiglemont, dans les Ardennes, où deux colonies voient parallèlement le jour en 1903. Armand, qui est un théoricien individualiste, dit qu'il s'agit de sculpter son moi, il faut sculpter son moi. L'idée, c'est de se développer comme homme, comme être humain, dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire corporelle, intellectuelle, spirituelle, sexuelle, sensuelle, artistique. Et ça, c'est évidemment incompatible avec 10 heures d'usine. Il faut bien voir que c'est des courants qui regroupent essentiellement des ouvriers. Des jeunes, très jeunes, autour d'une vingtaine d'années, entre 20 et 30, et qui ont fréquenté l'école publique, laïque, puisqu'ils ont bénéficié, c'est les premiers même à avoir bénéficié des lois Ferry. Ils ont plus d'instruction que leurs parents, mais elles s'arrêtent brutalement. Et ça leur a donné quand même le goût de l'étude et le refus d'être assignés à une condition ouvrière avilissante. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent monter dans l'échelle sociale, hein. Du tout. Ils veulent être ni bourgeois ni ouvriers, mais inventer l'homme nouveau qui aura surmonté la division travail intellectuel et travail manuel. Que libre, ils l'exécuteront d'eux-mêmes pour une foule de raisons qu'il n'est pas besoin d'énumérer. Je demande à faire partie de la société de communisme libre. Je reconnais que c'est ma propre initiative que je tente cette expérience. Je me rendrai à mes frais à la colonie. Au cas où je voudrais quitter la société, celle-ci me rapatrierait à mon lieu d'origine à ses frais. Ceci afin que je ne sois pas contraint de vivre dans un milieu, malgré moi, risquant ainsi d'y apporter un trouble préjudiciable à l'expérience. Bon, puis ça continue, voilà. Et puis si la conclusion est intéressante, espérant par cette tentative aider à prouver aux hommes que c'est dans le communisme libre qu'il est nécessaire de rechercher le bonheur individuel. On est bien d'accord que nous sommes en 1903 et que quand on utilise le mot communisme, c'est évidemment la vie en communauté. C'est difficile à faire admettre aux gens que le mot communisme ait pu exister avant la Révolution de 17. Tu veux bâtir des cités idéales, détruis d'abord ces monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de vie. En ces premières années du XXe siècle, les réunions se succèdent à Paris où les militants réfléchissent à la création d'un milieu libre. L'expérience est soutenue par le don des adhérents. Un dénommé Alphonse Boutin propose de mettre à disposition ses maisons et 2 hectares de terrain à Vaux, près de Château-Thierry, à 100 de kilomètres de Paris. La colonie se met en place, on l'espère bientôt autosuffisante, et son statut légal sera celui de la coopérative. Chacun produira selon ses forces et consommera selon ses besoins. Les colons ne manipuleront pas d'argent et recevront 2 francs par semaine pour leurs dépenses. Au milieu libre de Vaux succédera en 1911 celui de Bascon, géographiquement tout proche, qui deviendra après-guerre une colonie végétalienne. Tony Legendre a documenté cette histoire locale. Les souscripteurs ne sont pas forcément censés participer, d'ailleurs ils n'y tiennent pas à l'origine, participer à l'expérience. Ils aident financièrement l'expérience. Et alors, ce qui peut paraître un peu amusant, mais c'est assez logique quelque part, c'est que les souscripteurs viendront de temps en temps, on trouve des annonces dans le journal Le Libertaire, viendront de temps en temps visiter l'exploitation, enfin la colonie, comme on dit, pour voir comment ça marche, ce qui se passe. Au fond, si le milieu libre voulant dire milieu où on vit libre, hein, des fois on oublie ce que ça veut dire, milieu libre, hein, libre de toute contrainte, pas de patron, et égalité de tous les gens autour. Donc les colons se rassemblent par affinité ou bien ils sont tirés au sort ? Ben, il y a eu les deux. Il y a eu tirage au sort par rapport aux professions dont on a besoin. Cordonnier, tailleur, voilà, puisqu'il y avait une société à Paris qui se chargeait de trouver des clients pour les costumes, pour des tas de choses comme ça, qui envoyait les commandes donc à Vaux. Et puis, évidemment, ceux qui sont intéressés par l'agriculture, hein, puisque c'est quand même essentiellement des cultivateurs. Et c'est surtout une génération. Une génération, en gros, qui est née entre 1880 et 1890, je dirais. Mais qui voulait vraiment échapper au monde du salariat, qui les brisait littéralement. Hein. C'est quand même, à l'époque... Bon, il y a souvent une journée hebdomadaire de congé, mais c'est officialisé qu'en 1906, cette journée hebdomadaire. Mais c'est de toute façon au moins 6 journées de 10 à 11 heures de travail. Donc il n'y a aucun épanouissement possible dans ce cadre-là. Or, eux veulent s'épanouir. Chez eux, il y a une grande volonté d'ailleurs de suivre les progrès techniques de leur temps, les progrès scientifiques qui sont passionnés par les découvertes qui sont en train de se faire. C'est quand même une époque où ça avance assez vite et ils veulent suivre ça. Donc, c'est à relier aussi au mouvement des universités populaires où ils viennent s'instruire. Il y a beaucoup, beaucoup d'universités populaires, plusieurs centaines en France. Hein. La première, elle est fondée en 1899 et ça essaime à une rapidité incroyable. On veut se développer, on ne va pas rester des sortes de... des auxiliaires de la machine ou des brutes humaines, on veut vivre pleinement et pas laisser en friche nos capacités, toutes nos capacités, d'où le milieu libre pour pouvoir s'organiser hors du salariat. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Arnaud Boubéreau, vous êtes historien du naturisme. En quoi cette histoire croise-t-elle celle des anarchistes individualistes ? Pour quelques-uns, sortir de la ville, c'est aussi aller dans la nature et commence à émerger l'idée que la nature, ça peut être un moyen de se régénérer, justement, ça peut être un moyen de se transformer, de changer sa manière de vivre et d'avoir une vie plus... alors on va dire conforme à la nature, c'est-à-dire qui semble plus rationnel, qui semble moins marqué par la société, par les modes de vie dominants et par les valeurs dominantes de la société. Et on voit apparaître dans les toutes premières expériences de colonies anarchistes, une des premières, celle de Vaux, des débats entre un certain nombre d'anarchistes qui sont partis à la campagne, vivent en communauté, travaillent dans des ateliers, mais après tout, pour eux, leur changement de mode de vie, ça s'arrête là. Et puis d'autres, notamment deux personnages, un homme qui s'appelle Georges Buteau, une femme qui s'appelle Sofia Zajkowska, qui sont en couple l'un avec l'autre, et qui commencent à émettre l'idée que revenir à la nature, c'est aussi transformer sa vie, ne plus boire d'alcool, manger végétarien, et avec cette idée que ce serait une façon de vivre conforme à la nature. Voilà. Ils se sont rencontrés à une première expérience avant celle de Vaud, qui a duré à peine 2 ou 3 mois. Et elle est née en Lituanie, près de Vilnius, et elle venait de Genève, en fait. Et elle avait fait des études assez importantes à l'université. Et lui, parcours d'un anarchiste. Il vient d'un milieu, de milieu populaire, et il a commencé sa carrière de militant comme anarchiste. Alors, il a été pendant un petit moment socialiste dans une des chapelles socialistes de l'époque, mais assez rapidement, il est devenu anarchiste et il apparaît dans les archives policières comme un militant très radical et très violent. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est identifié comme quelqu'un qui va assez loin sur le plan politique et qui, au moins dans le discours, est prêt à aller assez loin dans l'action, et puis qui, à un moment donné, se replie sur justement des modes d'action complètement en rupture avec ce qu'était sa tradition militante auparavant, donc qui ne prône plus la grève, des attentats ou des choses comme ça, mais se met à écrire des brochures dans lesquelles il dit pour abattre la société, il faut mener un mode de vie simple, refuser la consommation, refuser de s'entourer d'objets superflus et mener une vie ascétique. Au fond, pour trouver des renseignements sur eux, c'est surtout à la préfecture de police de Paris que j'ai trouvé énormément de rapports. Je vois par exemple, vous voyez ici, 9 mai 1902, l'expérience n'a pas encore commencé vraiment. Buteau, qui assistait à la réunion, est arrivé à Paris depuis une quinzaine de jours. Il habite actuellement un boulevard d'Avou avec la russe Sofia. Celle-ci est furieuse quand on parle d'elle et qu'on l'appelle la compagne Buteau. On croirait que cela veut dire, ajoute-t-elle, qu'elle a abandonné son droit d'aller avec un autre. Intéressant. Si tel est son bon plaisir, et ce droit, elle le revendique carrément. Ils ont laissé des traces parce qu'ils étaient vraiment mus par la volonté de tenter une expérience, et ils voulaient que ça marche. Ils ont des tripes pour cette colonie, ils veulent à toute fin que ça fonctionne bien. Et l'aspect négatif, c'est quand on veut que ça marche, il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Donc très vite, on devient directif. Et être directif quand on est anarchiste, c'est une contradiction qui est difficile à... Donc quels sont les modalités de cette transformation, concrètement? Supprimer toute forme de domination ou d'autoritarisme, ça consiste en quoi? Ça consisterait à ce que personne ne donne d'ordre à personne, personne n'est en surplomb, donc ça c'était l'idée. Au point de vue de l'effacement du partage des tâches en fonction du genre, ça, c'est en germe, mais c'est pas vraiment réalisé. Je pense que c'est en germe parce que, par exemple, à Stockholm, ils ont réalisé des séries de cartes postales pour faire connaître leur expérience. Et ils prennent soin de montrer un homme qui fait la lessive avec une femme. Donc, en fait, c'est pas comme ils fonctionnent, mais au moins comme ils voudraient fonctionner. Donc, au moins, ils le montrent. Donc, je me dis, il y avait cette idée. Mais pour d'autres tâches comme la couture, par exemple, il n'y a jamais été question trop que les hommes le fassent, sauf s'ils étaient tailleurs. Mais là, c'est autre chose. Ils faisaient des vêtements pour les vendre. Donc, il y avait quand même une répartition sexuelle des tâches. Mais il y a l'idée quand même que les hommes ne doivent pas dominer les femmes, que les adultes ne doivent pas dominer les enfants. Il y a eu vraiment beaucoup de réflexions dans ces milieux, dans les milieux anarchistes en général, mais plus particulièrement eux, sur la manière d'éduquer les enfants. Et il y a eu, je pense, beaucoup de respect pour les enfants dans ces expériences. À une époque où l'enfant est quand même soumis à une autorité assez brutale des adultes. Buteau dit que Lénine est venu en vélo à Vaux voir de quoi il retournait. Et puis tous les anarchistes dont on a parlé, Armand, sont venus à Vaux. Hein. Marie Kugel, évidemment. Et ils venaient le dimanche. Dans le Libertaire, on voyait une annonce. On prenait le train, ça coûtait, le billet et tout. Et on allait visiter, on allait voir l'expérience en cours. Quelle est la différence avec un phalanstère ? La différence entre ces expériences et les expériences imaginées par les utopistes, c'est que c'est beaucoup moins régulé, les milieux libres. Dans les milieux libres, il y a une spontanéité, personne n'est assigné à certaines tâches. C'est des unités de plus petite taille, sur la base d'affinité, donc, comme je l'ai dit. Et on admet même, en principe, que des gens puissent ne pas travailler et quand même consommer. Il n'y a pas d'assignation. Mais de fait, il y a eu beaucoup de conflits. Enfin, certains travaillaient beaucoup plus que d'autres. Et ça crée des conflits, même si à la base, ils étaient pour une totale générosité et permissivité. Voilà, le phalanstère, c'est quand même très cadré. Tandis que là, c'est une expérience et on va s'ajuster au fur et à mesure aux difficultés. On n'a pas un plan préétabli, on a juste un ou deux principes directeurs. D'ailleurs, le nom des communautés inclut ça. À Stockel, près de Bruxelles, ça s'appelle l'expérience. Dans les Ardennes, c'est l'essai. Donc c'est un peu tester la validité de l'hypothèse communiste. Est-ce qu'on peut vraiment vivre sans exploitation, sans domination? On va le montrer en essayant. Quelle est l'évolution de ce projet de Vaux, de cette colonie de Vaux, Arnaud Bobéro? Comme beaucoup d'expériences de vie communautaire à cette époque, la colonie de Vaux va pas durer très longtemps. Elle dure à peu près un ou deux ans, puis après elle commence à se déliter. Et le couple Zaïkovska-Buteau va, à partir de ce moment-là, mener une autre expérience. Alors, Georges Buteau a fait un petit héritage, hein, et il a acheté un terrain dans une autre commune qui s'appelle Bascon. Et donc, le couple va s'installer là. Alors, à Bascon, là, ils vont pouvoir fonder une colonie qui est conforme à leur idée de ce que doit être le retour à la nature. Donc, en s'imposant un certain nombre de règles de vie, notamment donc un végétarisme strict, le refus de l'alcool et du tabac, et puis en commençant à faire des expériences alimentaires qui vont plus loin dans l'ascétisme, et notamment donc en refusant tout produit animal et en se livrant à ce qu'on va commencer à appeler le végétalisme, puis le crudivégétalisme. Il s'inspire pour ça des écrits d'un médecin naturiste, le docteur Carton, qui a théorisé la santé par la transformation du régime alimentaire. Le docteur Carton n'est pas forcément un végétarien strict, mais il prône une réduction de la consommation de viande et il définit le végétalisme comme une sorte d'idéal. Par certains aspects, ce couple Buteau-Zaïkovska peut nous sembler très contemporain, hein, dans cette idée que finalement, nos modes de vie, nos modes d'alimentation ne sont pas sans conséquences sur l'ordre politique et sur le monde tel qu'il fonctionne de manière globale. On savait que dans le temps il y avait eu ça ici. C'était connu dans le village, Jésus, Il était surnommé Jésus, un homme là, qui était assez étrange apparemment, et puis qui mangeait pas mal de racines dans le coin. En fait, c'est tout ce qu'on sait alors, au niveau de l'alimentation, la basconaise. Donc c'était une recette, soi-disant à base de racines. Voilà, après les vieux dans le temps, moi je suis de Vaud, moi, du village de Vaud. Bon, bah, il racontait que Bascon, oui, Jésus, voilà, c'est tout ce qu'on sait de cet homme-là, de un homme assez avec des cheveux longs, assez étrange. Et puis que, bah, soi-disant, qu'il y avait plus ou moins des gens dévêtus, quoi. C'est tout, enfin, c'était un peu dans le coin, c'était assez. Pas original, un peu. Il faut changer l'homme, et l'homme est agressif à cause notamment de la façon dont il se nourrit. Rien n'est pire que manger de la viande. Ça vous rend agressif. Et d'autre part, il y a trois aliments meurtriers, le sucre, l'alcool et le tabac. Dans le discours des anarchistes individualistes, c'est très clair que le tabac et l'alcool sont des substances qui abrutissent la pensée, qui abrutissent l'individu, et donc qui le rendent plus docile et soumis aux autorités, aux patrons, à l'État, etc. etc. Et donc on trouve parfois des articles extrêmement méprisants à l'égard des ouvriers qui sont décrits comme des bistrocrates, des moutons de Panurge qui font les défilés du 1er mai et qui finissent à la terrasse des bistrots, et avec cette idée que bah, ils participent eux-mêmes à leur propre soumission et ils se rendent eux-mêmes soumis à ceux qui les dominent. Georges Buteau meurt en 1926. La colonie végétalienne de Bascon cesse sa pleine activité en 1931 pour devenir une vingtaine d'années durant une auberge de jeunesse naturiste et végétarienne. Mais retour à l'aube du XXe siècle et cap vers l'Est. Le 14 juin 1903, un homme muni de quelques outils indispensables et d'un sac de provisions parut dans un vallon solitaire de la forêt des Ardennes. Il s'arrêta à la lisière du bois, planta son bâton dans l'herbe haute et drue, et contemplant la gorge étroite qu'il venait de parcourir, dit « Ici, nous ferons des hommes libres et nous aiderons à déterminer la cellule initiale des sociétés futures. » Cet homme était Fortuné Henry. La colonie libertaire communiste L'Essai venait de naître. On a deux saisons dans les Ardennes, c'est la période de pluie et les trois autres jours. Non, et là, c'est censé être sec. Là, ça va, oui. Fortuné Henry est né en 1869 et a grandi en Espagne où ses parents ont dû s'exiler après l'écrasement de la Commune de Paris à laquelle son père avait participé. Dans les années 1890, Fortuné prend la défense de Ravachol et son jeune frère, Émile Henry, lui aussi anarchiste, est guillotiné en 1894 pour avoir commis les attentats de la rue des Bons-Enfants et du Café Terminus. Quelques années plus tard, posant pour une carte postale, on retrouve Fortuné assis devant une cabane sommaire qui deviendra bientôt une grande maison. C'est vrai qu'il y avait un petit périple à faire quand même à pied hein, pour y arriver, mais comme vous l'indiquiez tout à l'heure, c'était une autre époque aussi, hein, on marchait quand même beaucoup plus facilement. Et encore, imaginez la rudesse de l'hiver ardennais à l'époque. Voilà, c'est vrai que ça a dû être quand même une installation assez difficile. Bon, même s'il était aidé localement, il a dû passer un hiver assez incroyable, je pense. Donc il faut traverser des kilomètres de verdure pour arriver à la clairière. Tout à fait. Mais là, c'est notre conception moderne de la chose. Mais c'est vrai que si on se replace dans le contexte de l'époque, je pense qu'il était quand même très très bien placé parce que bon, les personnes à l'époque étaient quand même habituées à marcher beaucoup plus. Et quand on regarde, alors bon, évidemment on ne le voit pas d'ici, mais la gare d'où pouvaient débarquer les futurs colons ou les visiteurs n'était pas si loin que ça. Et puis surtout, on a une grande proximité par rapport à Nouzon-Mille et Neufmanil, où il y avait justement un foyer anarchiste qui était propice à aider Fortuné Henry dans ses projets. Hop, je vous laisse récupérer. On est un peu exigu. Donc, il arrive en juin 1903 dans la clairière du Bois Gély. Il pose ses outils et il commence à édifier la future colonie. Et comment cette colonie se met-elle en place, Dominique Petit ? Alors, elle se met en place, il faut... Lui, il vient s'installer tout d'abord à Nouzonville, donc là où il y avait le groupe anarchiste avec les gens qu'il connaissait. Et donc, en fait, c'est les militants locaux qui lui donnent aussi les techniques. Parce que la maison qu'ils construisent, c'est une maison en terre, avec un toit couvert, c'était pas du chaume, c'était une herbe qui se trouvait dans la forêt, comme ça. Et donc, ils ont utilisé ces matériaux locaux, comme ça, pour faire leur maison. Alors c'est en ce sens qu'on peut dire que ces premiers pas de la colonie sont fortement inspirés par le courant naturien de l'anarchisme. Alors les naturiens, c'était un courant anarchiste, un peu des précurseurs de l'écologie, si on veut. Ce qu'ils voulaient, ces naturiens, c'était le retour à la terre avant la civilisation. Le manifeste naturien, là, d'une colonie naturienne, préconisait justement de trouver un terrain dans une forêt, d'utiliser les ressources locales, de faire de l'élevage de poules, de canards, de construire un étang pour élever des poissons, tout un tas de choses qui correspondent vraiment au début de la colonie. Faites attention. Du bois glissant. Ouais. Donc ici on a des cèpes. On a une population de chênes et puis de feuillus. Assez consistant. À la saison des cèpes, il y a un peu de monde dans les bois. Il y a un peu de monde dans les bois. On s'est enfoncé dans la forêt sur les traces de Fortuné Henry avec vous, Philippe de Cobert, qui êtes le maire d'Aiglemont, avec Stéphane Collignon, qui est. Vous êtes d'Aiglemont et vous avez aussi fait des recherches sur l'essai et sur Fortuné Henry, et avec Dominique Petit. On est dans une petite clairière. C'est celle de l'essai. Nous sommes à 20 mètres du site historique de la colonie l'essai, installée en 1903 ici à Aiglemont par Fortuné Henry. En fait, il connaissait le territoire des Ardennes de par sa profession en tant que représentant de la pharmacie centrale de Paris. Il était amené à découvrir et à parcourir le territoire des Ardennes, savoir s'il avait reconnu antérieurement le site exact, certainement, puisqu'on est sur un acte d'achat de la propriété initiale, même si cet acte d'achat n'est pas signé par Fortuné Henry, mais par un prête-nom. Donc il connaissait l'environnement, effectivement, au confluent, j'allais dire, de la ville de Charleville, de Nouzonville, où l'activité sociale ouvrière était très importante, avec des usines où Jean-Baptiste Clément avait quelque peu essaimé auparavant. Et Fortuné Henry voulait montrer qu'un autre modèle de société était possible en combattant les thèses des socialistes, des politiques socialistes, puisqu'il voulait également découdre avec Jean-Baptiste Clément. Comment vous imaginez son arrivée, si tant est qu'on peut imaginer ça ? C'est le mois de juin. Déjà une végétation un peu plus luxuriante que celle que nous voyons à ce moment, avec un lieu idéal sur lequel effectivement on a de la terre qu'on va pouvoir cultiver, on a de l'eau en bonne production, on est assez éloigné de la ville pour pouvoir avoir son activité communautaire. Donc effectivement le lieu est assez propice, même si ça interroge beaucoup la population voisine d'Aiglemont. Il y a des gens autour. Alors en 1903, on a une auberge qui est située à un peu plus de 350 mètres d'ici, qui est un petit estaminet qui permet effectivement d'aller goûter l'absinthe, entre autres. Et c'est un lieu de rendez-vous où justement les habitants d'Aiglemont peuvent aussi aller le soir disserter et discuter. Mais c'est aussi le lieu où un certain nombre d'épisodes de la colonie se vivent, notamment un peu de provocation par moment. On continue ou c'est... On continue. On va vous emmener directement sur le site de la colonie. J'ai dit qu'on était à 20 mètres, donc d'ici on ne voit rien. En fait, on est derrière le talus. Donc on va contourner comme ça, parce que sinon on a une pente assez raide. Au printemps 1904, c'est à ce moment-là qu'arrive, parce que donc la colonie a commencé en 1903 et en 1904, les premiers colons arrivent. L'une des premières qui arrive, c'est sa compagne, Adrienne Tarby, qui arrive avec sa fille. Et alors là, il y a des remarques un peu surprenantes de la part des colons quand même, vu de notre œil de maintenant. C'est qu'ils disent qu'en fait, ils sont très contents de l'arrivée d'Adrienne Tarby parce que enfin, ils vont avoir quelqu'un pour faire la vaisselle et pour faire la lessive. Après arrive tout un groupe de gens qui viennent de Nantes et qui viennent s'installer à la colonie. Et alors, c'est là qu'il commence à y avoir des dissensions. Parce que le problème, en fait, de Fortuné Henri, c'est qu'il se veut anti-autoritaire, mais qu'il a un caractère assez autoritaire. Donc ensuite arrive André Mounier. Alors c'est celui-là qu'on appellera l'agronome. Et qui va avoir, je pense, une influence assez certaine sur la colonie par rapport à la première période naturienne. Parce que ce André Mounier, avait été apprenti pendant 2 ans en agriculture. Donc, il était apprenti ouvrier agricole. Donc, il connaissait les techniques agricoles, chose que ne connaissait pas Fortuné. Dans la presse anarchiste des années 1900, on voit que les deux colonies, celle de Vaux à côté de Château-Thierry, et celle d'Aiglemont, à côté de Charleville-Mézières, sont un peu en concurrence. Ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur la façon de choisir les colons. À Vaux, c'est ce que je vous disais, donc à partir du moment où on voulait participer à une colonie anarchiste, on acceptait un petit peu tout le monde. Or là-dessus, Fortuné Henri était assez intransigeant au départ de la fondation d'Aiglemont. Lui, il estimait qu'il fallait faire un choix. Donc il fallait choisir les gens. Donc il ne fallait que des gens qui étaient d'accord idéologiquement. Et puis en plus, il fallait des gens qui parle de gens qui s'aiment. Alors, je ne pense pas que c'était au niveau d'un amour charnel, mais de gens qui aiment travailler ensemble, etc. Voilà. Et il voulait surtout limiter aussi le nombre de colons. Pour lui, il n'était pas question de dépasser la vingtaine. Dessiné. Ça, c'est le chemin creux. Le chemin creux, c'est l'accès principal de la colonie. Quand on venait sur la route de Charleville à Neufménil, l'accès par le Génie, l'auberge du Petit Sabot. Et c'est là que Fortuné est arrivé avec son baluchon et son chien. On imagine effectivement qu'il est arrivé par ici, puisque c'est l'accès qu'il a immortalisé au travers de la série de photographies qui ont été réalisées. Et on a donc un site qui a été quelque peu bouleversé. Alors, vous voyez là sur la gauche des excavations. On suppose, de par l'implantation, qu'on a les caves des bâtiments. Voilà, et là on arrive donc sur un étang qui a été aménagé. On a différents ruisseaux qui coulent, donc qui apportent l'eau en permanence ici sur le site. Et c'est ce qui a permis justement la culture d'une part et puis le projet de pisciculture qui était porté par Fortuné Henri avec le fait de creuser un étang pour justement y faire de la pisciculture pour diversifier aussi les sources de production de la confrérie. Voilà, et donc là, on a une grande partie qui se dégage et qui servait à la culture, aux champs et autres. Et puis, on voit une végétation, effectivement. Des champs qui... Oui, des champs. Des champs en sous-bois, parce que là, c'est quand même... Des frichets. À l'époque, il n'y avait pas les arbres. La nature a repris le dessus. Et aujourd'hui, donc, on a effectivement des épicéas qui sont installés. On a quelques arbres, mais dont on devine que l'âge n'est pas plus de 50 ans. Hein, et donc, sur les vues en perspective de la colline, on voit quand même de grandes plaines qui sont ouvertes à la culture. Qu'est-ce qu'on peut cultiver sur un terrain aussi humide ? Justement, on a de l'humidité, on a une terre arable qui s'y prête bien, donc il y avait des légumes, et ces légumes étaient destinés à être vendus sur les marchés de Charleville ou de Nouzonville, de manière à générer effectivement quelques recettes pour la colonie. Passé la première période de l'installation, Aiglemont s'investit dans les luttes ouvrières et syndicales locales. Est-ce qu'on en connaît les raisons, Dominique Petit ? Mais ce qui se passe, c'est qu'au niveau des syndicats, dans les Ardennes, les syndicats donc auparavant adhéraient à la Fédération socialiste. Et cette Fédération socialiste est devenue de plus en plus électoraliste et les cotisations des syndicats servaient en fait à financer les élections. Donc beaucoup de syndicats sont mécontents de ce fait-là et quittent la Fédération socialiste et se retrouvent dans l'autonomie ou essayent de créer en dehors de la Fédération socialiste un regroupement. De syndicats. Donc Fortuné Henry se rend compte de ça et se rend compte aussi que ces syndicats ont besoin d'un organe d'expression et puisqu'ils ne peuvent plus utiliser le socialiste ardennais. Et donc il lance le Cubilo qui au fur et à mesure va devenir le journal des syndicats qui publie donc tous les communiqués syndicaux et toutes les actions des syndicats dans les Ardennes. Quelles étaient les luttes ouvrières locales ? À Revin, il y a eu, à cette époque-là, en 1907 et avant, déjà des grèves partielles. Et il y a eu une très très longue grève en 1907 sur Revin. Donc le milieu ouvrier était un petit peu en ébullition. Il y avait énormément de grèves assez dures et qui duraient longtemps. Et donc le Cubilo a favorisé le regroupement des syndicats. Et a permis en fait la mise en place du premier congrès de la CGT dans les Ardennes en 1907. Et donc il y a des gens de la CGT nationale qui sont venus et qui ont assisté à ce congrès. Et après le congrès, il y a eu des réunions publiques auxquelles participaient Fortuné Henry et Merheim, par exemple, qui était un animateur de la Fédération de la Métallurgie nationale de la CGT. Quand vous pleurerez le beau temps des crises, le vil renégat et l'accapareur enverront de grise. Les politiciens auront des surprises, les Judas au ventre auront la terreur. Quand vous pleurerez le beau temps des crises, grondera partout la rue en fureur. Les ouvriers qui, pour une certaine part d'entre eux, étaient proches des idées de Fortuné Henry, qui défendaient ce monde, venaient prêter la main ou tout simplement écouter les discours prodigués par Fortuné, un orateur né, dans le cadre de discours et puis d'activités qui se mettaient en place les jours de repos des ouvriers. Sachant qu'il y a une certaine dualité en fait à l'époque, hein, puisque il y a deux mondes qui s'affrontent. Le monde ouvrier, fréquemment très proche des idées de Fortuné Henry, forcément, puisque de par les idées de partage, les notions de lutte contre la propriété et tout simplement aussi de lutte contre les propriétaires. Et de l'autre côté, le monde agricole très conservateur, qui voyait d'un très mauvais œil la présence en tout cas de cet agitateur aux idées farfelues dans les environs d'Aiglemont. Stéphane Collignon, vous avez interrogé les gens dans le village, qu'est-ce qu'on raconte ? Qu'est-ce qui se racontait ? Alors, j'ai eu la chance, effectivement, d'interviewer, dans le cadre de mes recherches à l'époque, ma voisine, Madame Jacquet, qui a connu les anarchistes lorsqu'elle était toute petite, puisque son père était un sympathisant. Elle se souvient donc des journées ou des soirées au cours desquelles son père était rejoint par certains membres de la communauté. D'après la description, alors très lointaine, qu'elle m'en a donnée, je pense principalement, puisqu'elle parlait d'un géant roux, à Mounier, l'ingénieur agronome qui était le bras droit de Fortuné Henri. Et elle a des souvenirs extrêmement agréables, puisque visiblement son père aimait à deviser pendant des heures avec ses hommes, qui étaient très attentionnés envers elle, puisqu'elle parle à l'époque de bonbons qu'il lui apportait, qui étaient quand même des denrées assez chères. A contrario, elle aimait à me raconter que certaines dames se signaient au passage de Fortuné Henri, vu un peu déjà comme un agitateur, et même plus loin pour certains comme le suppôt de Satan, chez ces personnes qui étaient très croyantes et fréquentaient régulièrement la messe, et même plus loin, puisque nous sommes situés non loin des vestiges du château du comte de Gély, apparemment un personnage terrifiant qui aurait sévi au bas Moyen-Âge, et certains ont pris Fortuné Henri, bon, personnage aussi assez taciturne et renfrogné, pour la réincarnation du seigneur de Gély. Voilà. L'activité syndicale décline progressivement et on voit que l'essai s'achève en 1909. Est-ce qu'on a idée des raisons qui poussent les colons à partir, Dominique Petit ? Enfin, chez les anarchistes, il y avait plusieurs tendances. Je vous ai parlé des naturiens, mais il y a aussi ceux qu'on appelait les illégalistes, dont sont issus les gens de la bande à Bonneau. Et parmi les illégalistes, il y avait aussi des gens qui pratiquaient le vol, ce que les anarchistes appelaient la reprise individuelle. Parmi les gens qui venaient régulièrement à la colonie, il y avait deux anarchistes qui ont commis un vol à Charleville. Et la police a su rapidement qui ils étaient. Et la justice est venue faire des perquisitions à la colonie. On voit que, il y avait déjà un peu de mésentente quand même dans la colonie, plus le fait que la justice vienne perquisitionner tout le temps comme ça, ça a dispersé les gens, quoi. Ils sont partis. Quand ces milieux ont eu des difficultés, les uns ont dit c'est parce qu'on consomme trop, on doit aller vers plus de sobriété, d'austérité, etc. Et ça, c'était plutôt les gens de Bascon qui ont évolué comme ça. Alors que Fortuné Henri a dit le contraire. Ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez d'abondance. Si on était plus nombreux, si on avait plus de biens, plus d'argent, ça aurait fonctionné. Parce que là, les tensions, alors elles sont de plusieurs ordres. Déjà, la misère, enfin, ils ne peuvent pas atteindre l'autosuffisance. On est dans une société, contrairement aujourd'hui, où il y a très peu de gâchis autour. On ne peut pas trop faire de la récupération, parce que personne ne jette. Les terres sont chères, on ne peut pas trouver facilement des terres bon marché. Il y a eu des conflits aussi liés au manque de femmes. Elles sont déséquilibrées d'un point de vue démographique, parce que c'est plus des hommes qui partent. Alors, les anarchistes sont pour l'amour libre. Oui, mais l'amour libre, quand il y a moins de femmes que d'hommes, ça veut dire que pour elles, c'est très pesant. Donc ça a joué, le déséquilibre femmes-hommes. Le niveau de conscience qui n'est pas le même pour tous les colons. Dire certains s'engagent à l'aventure sans véritable conviction anarchiste et finalement ne se comportent pas en anarchiste, par d'égoïsme entre eux, et notamment pour l'éducation des enfants, parce que certains sont très avancés, veulent soit complètement collectivisés et d'autres pas. Et parce qu'il se trouve que certains anarchistes qui sont des militants arrivent avec des compagnes qui, elles, sont moins politisées et voudraient un peu vivre dans l'entre-soi. Bon, ça a été un facteur. Et puis, l'autre facteur, c'est en quelque sorte l'autoritarisme. En tout cas, à Bascon et à Aiglemont, ce qu'on retrouve, c'est des personnalités fortes, Buteau d'un côté, Henri de l'autre, qui donnent beaucoup de leur personne, mais qui attendent autant des autres et ça suit pas, et ils peuvent avoir des comportements autoritaires. Et puis il y a les parasitages, oui, ça c'est quelque chose qui les a gênés aussi, c'est-à-dire quand il fait beau, l'été ou dimanche, plein de gens viennent, et évidemment profitent de la vie à la campagne, consomment et ne produisent pas. Puis l'hiver, il n'y a plus personne, et ils sont là, bon... Est-ce qu'on sait pourquoi les colons arrivent et partent ? pourquoi ils partent? Quel est le point d'achoppement? Eh bien, ça dépend. Il y a le problème que, eh bien, quelquefois, ils commencent à étouffer, quoi. Ils voudraient retrouver quand même. Mais quelquefois, ils disent, je m'en vais. Bon, j'en ai assez. J'ai assez vécu cette expérience, mais je l'ai trouvée intéressante parce que ça a changé ma conception de la vie, etc. La colonie fonctionnant dans le milieu actuel est un organisme de résistance. C'est très bien vu, ça. Et l'on peut comparer ses constituants à des sortes de cellules. Un certain nombre ne sont pas appropriés au milieu, elles s'éliminent, elles disparaissent. Ce sont les colons qui abandonnent la colonie après un séjour plus ou moins prolongé. Les cellules aptes à vivre dans le milieu spécial s'usent plus rapidement que dans le milieu ordinaire en raison de l'intensité de leur activité. Il est donc illogique de demander aux colonies autre chose qu'une durée limitée. Une durée illimitée est d'ailleurs le signe le plus sûr d'un amollissement et d'un relâchement dans la propagande que la colonie est censée rayonner. Donc ça confirme ça, c'est-à-dire que c'est tellement intense que faudrait presque se reposer avant de reprendre une expérience. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les communautés des années 70 ou dans les communautés aujourd'hui du fonctionnement des colonies anarchistes individualistes au milieu libre? Je pense, si, enfin, on se réfère déjà aux communautés des années 1960, elles ont beaucoup à voir. Elles ne théorisaient peut-être pas de la même manière qu'eux, mais dans le fonctionnement, on retrouve un peu les mêmes éléments. Moi, je me suis intéressée notamment à une expérience qui est assez bien documentée, la communautaire d'Échoise de Pierre Conti. Et on voit que ça démarre un peu de la même manière. C'est d'abord un couple qui se retire de la ville, qui élève des chèvres. Puis il y a des gens qui s'agrègent et ils ont ce désir de ne pas dominer, ni de ne pas se dominer les uns les autres. En même temps, il y a cette personnalité forte de Pierre Conti, qui est un gros bosseur, puis qui a l'avantage d'avoir été là le premier. Et ça, malgré tout, on le retrouve dans ses expériences. Celui qui est là depuis le début, il n'a pas exactement la même position que les autres, évidemment. L'amour libre, on le retrouve, mais l'amour libre, c'est le fait de pouvoir aimer plusieurs personnes à la fois et que personne ne s'approprie un conjoint. Enfin, que on est la chose de personne, on est la propriété de personne, donc l'amour peut être plural, on peut aimer plusieurs hommes à la fois, plusieurs femmes à la fois. Alors ils ont connu aussi un peu les mêmes difficultés, parce que beaucoup de communautés des années 60 ont été déchirées par la jalousie. On veut ne pas être jaloux, on est pour l'amour, mais n'empêche qu'on souffre et on souffre de souffrir, parce que ça veut dire, enfin chez eux, chez les anards de la belle époque, ça, c'est jusqu'à ce point, ils souffrent de souffrir, parce que s'ils souffrent, c'est qu'ils sont pas des bons anarchistes, donc. Ils ont double peine, en quelque sorte. Tout ce que nous avons fait ici l'a été sans qu'un ordre soit donné. Nous vivons sans Dieu, sans patrie, sans maître, libres, avec la sensation de vivre ce que nous souhaiterions avoir vécu. Cette vie nous a donné des jouissances incomparables, des satisfactions journalières inconnues au sein de la société. On ne travaille pas par force, mais par raison. Pas pour soi, mais pour tous. Pour les camarades qui nous entourent et, sur un plan général, pour l'humanité. Montrer combien l'autorité est irrationnelle et immorale, la combattre sous toutes ses formes. Permettre aux hommes de s'affranchir d'eux-mêmes d'abord, des autres ensuite. Préparer une société harmonieuse d'hommes conscients, prélude d'un monde de liberté et d'amour. Voilà notre œuvre. Marcher à la conquête d'un meilleur devenir. Mmh. C'était Les Clairières Libertaires, une vie communautaire d'anarchistes en 1900. Avec Anne Stenner, Dominique Petit, Tony Legendre, Arnaud Bobéro, Philippe de Cobert et Stéphane Collignon. Merci à Christine Moreau et à Madame Guillot. Extrait de la bande dessinée L'Essai de Nicolas Debon, lu par Régis Royer. Coordination Perrine Carvran, accompagnée de Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire de Marie Chartron et François Test. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez retourner sur le sentier, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour la rivière ou nous réécouter dans la cabane, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, dernier épisode, Longomaille, l'utopie dure longtemps.